En 1792, le philosophe Condorcet défend à l'Assemblée législative un projet d'éducation universelle qui inspirera 100 ans plus tard le ministre le plus célèbre de la Troisième République, Jules Ferry. Dans la rédaction de la fameuse loi du 28 mars 1882 rendant l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais en cette fin de siècle mouvementée, les conservateurs cléricaux crient au retour de la guerre de religion. Dès lors, pour Jules Ferry, l'anticléricalisme se confond avec la défense de la cause républicaine. Voici un extrait de son discours à la Chambre des députés du 6 juin 1889, intitulé « Nous tenons fermement à l'école laïque ». Je ne crois pas faire en aucune façon preuve d'héroïsme en venant défendre ici l'œuvre scolaire de la République contre une polémique qui pourrait être dangereuse si elle n'était pas réfutée. Cette œuvre, messieurs, elle est aujourd'hui, elle sera assurément aux yeux de l'histoire, le titre principal de la Troisième République à la reconnaissance de l'histoire et du pays. Car cette œuvre scolaire de la Troisième République n'est pas une œuvre personnelle. Elle n'appartient en propre à qui que ce soit dans le parti républicain. Elle appartient au pays républicain tout entier. Oui, messieurs, la Troisième République a réalisé ce système d'éducation nationale entrevu et conçu par nos pères. Il est un peu de mode, au temps où nous sommes, à 100 ans de distance de ces grands hommes et de ces grandes choses, de reprocher à la Révolution française et aux hommes de 1789 l'avortement de beaucoup d'espérances. Oui, la Révolution n'a pas réussi dans tout ce qu'elle avait entrepris. L'histoire peut enregistrer à son passif des échecs éclatants, mais ici, nous avons le droit de le dire, le succès est complet. Ce système d'éducation nationale sans monopole, qui relie dans un cadre à la fois puissant et souple l'école élémentaire aux plus hautes parties du savoir humain, ce système d'éducation nationale au frontispice duquel on n'a pas craint d'écrire que l'enseignement est un devoir de justice envers les citoyens, que la société doit à tous le nécessaire du savoir pratique et l'avènement au degré successif de la culture intellectuelle de tous ceux qui sont aptes à les franchir. Cette mise en valeur du capital intellectuel de la nation, de toutes les capacités latentes, de tous les génies qui peuvent être méconnus ou étouffés dans une grande et féconde démocratie, messieurs, c'était le rêve de nos pères. Et nous avons le droit de déclarer qu'autant qu'il est possible de dire qu'une chose est accomplie grâce à vous, grâce au pays, votre principal collaborateur dans cette grande œuvre, grâce au pays qui en a été l'âme, ce rêve est devenu une réalité. Voilà pourquoi nous ne pouvons remettre qu'à un pouvoir civil, laïque, la surintendance de l'école populaire et pourquoi nous tenons, comme à un article de notre foi démocratique, au principe de la neutralité confessionnelle. Voilà pourquoi nous tenons fermement à l'école laïque. Voilà pourquoi vous n'obtiendrez de nous, sur ce point, ni acte de contrition, ni retour en arrière. Voilà 7 ans que le prêtre donne en toute liberté 2 jours de la semaine, le dimanche et le jeudi, l'éducation religieuse aux enfants qui fréquentent l'école. Voilà 7 ans que tous les instituteurs de France, tenus de se conformer au programme rédigé et voté par le Conseil supérieur de l'instruction publique, enseignent aux enfants des écoles une morale dans laquelle il y a un chapitre spécial qui porte ce titre « Des devoirs envers Dieu ». Alors que l'on cesse de dire que nos écoles primaires sont des écoles sans Dieu. Surtout quand une grande société religieuse comme la société catholique jouit dans un pays comme la France de libertés aussi étendues que les vôtres. Quand votre église, quand votre propagande religieuse est illimitée, quand elle possède plus de 40 000 chaires et plus de 40 000 pasteurs vacant librement à l'accomplissement de leur ministère, quand elle est dotée d'un budget qui dépasse tous les budgets de la Restauration et la Monarchie de Juillet. Si les catholiques qui jouissent de telles libertés, je devrais dire de tels privilèges, prétendent qu'ils sont persécutés, qu'ils sont les victimes d'une guerre religieuse, ils donnent un démenti à l'éclatante vérité des faits. Ils ne sont pas persécutés, ils sont bien prêts de devenir persécuteurs. Voilà pourquoi, messieurs, nous restons donc profondément attachés à l'école laïque.